Exercice 3. Dans notre émission musicale de ce matin, nous allons vous parler du festival de musique Belzik. Ce festival existe depuis 10 ans et depuis, 130 groupes ont chanté sur sa scène. Au programme, de la musique pop, rock, électro. Cette année, Belzik vous propose de découvrir des groupes belges comme Nicolas Donnet et Candy. Les places sont maintenant en vente sur le site internet du festival ou par téléphone au 0 87 25 20 20. Le ticket pour le vendredi coûte 22 € et le ticket pour le samedi coûte 27 €. Vous pouvez gagner un t-shirt gratuit si vous donnez le code Radio Belgique par téléphone.